Oh, dis donc, Oh là là, la bière, et elle veut tout le temps la bière, celle-là. Comment t'as un polo, mais là. Ah, bon, oui. Et pas y'a babé, t'es pas y'a babé, t'es. Ah, t'es. Qui est là? Gonzalo qui arrive. Oh! Gonzalo, oh, bienvenue. Ok, pas ben, à Babène, à oh, dis. Fungolanda fungai wayo Jose wa Bolingo Tokoko kielae Fungolanda fungai wayo Lede wa Bolingo Tokoko kiela Fungolanda fungai wayo Ambro wa Bolingo Tokoko kielae Fungolanda fungai wayo Jose wa Bolingo. Fungolanda con Gaiwayo, Ambro wa Bolingo.